قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Certes, tu ne guides pas que qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut et il est plus savant des gens qui sont bien guidés. وهذه الآية نزلت في شأن أبي طالب كما سيأتي إن شاء الله. Et ce verset, justement, doit raffermir le muslim dans sa da'wah, qu'il n'a pas à faire le tanazul ou à faire de mudahana, c'est-à-dire qu'il n'a pas à faire de concession en religion, soi-disant pour la guider des gens. Ou pire encore, ou dans le même genre, faire des zunoub, soi-disant pour être une cause de guider des gens. Là, car Allah, il dit, tu ne diras pas qui tu aimes. Tu pourras faire ce que tu veux. وَعَلَمْ بِالْمُحْتَدِينَ Le plus savant qui est bien guidé. Et quand on a déjà parlé, Allah Azza wa Jal, وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Que toi, il ne te revient que de retransmettre. Et les comptes nous reviennent à nous. Nous, ce qui nous accombe, ce sont les causes et non pas le résultat. Ce sont les causes et non pas les résultats. Comme a dit Allah, « Qatiluhum, yu'azibuhum Allah bi'aidihim, wa yu'azihim yansuruhum alihim, wa yashfi sudur qawmi mu'minin. » Combattez-les. Combattez-les. Dans un cas de jihad, le combat. Combattez-les. C'est quoi l'ordre qu'on a? Le combattre. Parce que là, il a dit, tu gagnes. Tu as le droit de gagner, tu n'as pas le droit de gagner. Il t'a dit quoi? Combattez-les. Et que là, le verset, que Allah va les châtier, il va les humilier, il va vous secourir, et il va guérir la poitrine d'un peuple croyant. Les gens qui n'étaient pas avec vous, ils vont vous rejoindre. Les quatre parties citées à la fin reviennent à qui? À Allah Azza wa Jal. Il a juste dit, قَاتِلُهُمْ Combattez-les. C'est toi ça la cause. Si tu as combattu selon les règles, que tu gagnes à la min fadlillah et que tu échoues, il n'y a pas de péché sur toi et en réalité tu n'as pas échoué parce que c'est écrit au point d'Allah ce que tu as fait. Donc il n'y a pas de défaite en réalité. Il n'y a pas de défaite pour le mu'min quand il fait la ta'at Allah, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de perte. Il n'a peut-être pas le résultat qui amène à, on va dire, au regard des gens qui considèrent comme étant une victoire, mais Yom al-Qiyama il est victorieux. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Celui qui obéit à Allah son messager a certes gagné d'une victoire éclatante. Ta victoire c'est l'obéissance. Même ton ennemi il a décimé toutes tes troupes مثلاً, ou tu as fait une chose pour Allah Azza wa Jal, ça n'a pas abouti à cette dunya, tu as gagné quand même. Tu as quand même gagné. Donc c'est-à-dire quand on fait da'wa aux gens, on n'a pas fait de concession pour dire oui, mais c'est pour la guider des gens. On dit là, tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide-t-il. Et Allah sait qui mérite la guider ou pas. Donc toi, informe les gens de la meilleure des façons, avec beaucoup de portement, et Allah les guidera. C'est comme on le répète souvent, le fait de dire à un non-musulman, pourquoi tu dis ça? Pour pas le faire fuir. Tu vois? On dit, le Nabi Sallam, pense encore moins que toi à faire fuir les gens, et les appelez pas à Rémuslimine. Donc tu ne feras pas mieux que lui. Donc toi, la guider, ça vient d'Allah, vient pas de toi. Donc appelle-le d'un terme, peut-être qui ne fait pas fuir, mais n'invente pas des termes, en faisant croire que c'est meilleur. D'arriver des nouvelles istilahat qui n'existent pas en religion, ça sert à rien de faire ça. En faisant cela, tu te dis mal à toi-même. Et en plus, imagine, il n'est pas guidé. T'auras gagné quoi de dire ça? D'apporter des choses nouvelles. T'auras pas obéi à Allah, son messager. Donc t'auras pas eu le hajj. Peut-être même tu prends des péchés, comme certains y font, dans la da'wah, des bida' pour attirer des gens. Ils te font un style de da'wah innové avec des films, avec même dans la musique. Genre, tous les moyens d'appeler l'islam, ils le font. D'accord? Soit par le football. Tu vois? Genre, il marque un but, et après, tu vois, il fait ce jeu de shukr. Il dit, c'est grâce à Allah, si tu te rentres en islam, tu vas gagner dans le football. Il dit, Allah, il m'a pas créé pour que j'aille au football. Tu m'appelles l'islam par le football. C'est quoi la... Donc si je perds, c'est quoi? Arted, j'apostasie. Tu vois? C'est ridicule. De prendre les footballeurs pour appeler les gens à l'islam, de prendre les artistes pour appeler les gens à l'islam. Ils ne servent à rien, ces gens-là. ils appellent rien du tout. Ils appellent pas au tawhid, ils appellent pas la stikama, ils appellent pas la sunna. Ils appellent juste à la dunya. Le footballeur, il joue pas pour Allah, il joue pour la paye. Alors lui, ça paye. Tu vois, s'il va continuer à jouer au football. Il jouera dans la rue comme ça. Il va pas aller se tuer à faire des heures d'entraînement pour... Donc ils disent pas, ouais, c'est pour Allah qu'on fait ça, c'est pas vrai. Tu vois. Pour ceux qui disent, ouais, moi, dans telle et telle chose, je suis pas dans les moyens à Muharram. Hein. Comme ils ont fait, par exemple, ils veulent faire un film pour te mettre la biographie d'un sahabi, par exemple. Où il y a des séries là, qui sortent, là, turques, là, je sais pas comment ça s'appelle, souvent les machins sont interrogés. Ça s'appelle, il y a le nom Osman dedans. Dedans, il parle des salafs, il y a l'imam Ahmed, je ne sais qui dedans. En faisant ça, tu insultes les salafs. Parce que déjà, d'une part, c'est un fasiq qui va jouer le rôle de l'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, ou Foulen. C'est un fasiq qui va jouer son rôle. Parce qu'un moustakim, il ne joue pas des rôles. La comédie, c'est interdit en islam. C'est du mensonge. Et le Nabi Salam a interdit d'imiter les gens. Même d'imiter leur voix, d'imiter leurs gestes. À part si c'est pour faire un bayen sur une chose, par exemple, un tel, il a fait comme ça pour montrer qu'il a vraiment fait la chose. Mais comme les acteurs le font, là, c'est pas permis, ça. Donc, t'auras affaire à qui? À un type qui, à la base, c'est un fasiq et joue le rôle d'un prophète, même. D'un prophète. Quelle da'wa t'as fait à ce moment-là? T'as fait aucune da'wa. T'as fait aucune da'wa, ça. T'as fait quoi? Issa, il est dîn. Donc, cette guidée-là vient d'Allah, Azzawajal. Donc, on n'a pas, nous, de nos têtes, arrivé et trouver des moyens nouveaux. La da'wa, elle est tawqifiyya. Elle est basée sur un décret divin. On fait da'wa comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En utilisant des procédés légiférés et permis. D'accord? Et avec des choses nouvelles, ça n'apportera qu'à changer la religion. Et ça ne guidera pas les gens. Même si quelqu'un entend l'islam par ta cause, soit il sera un muslim bancal par la suite, ou soit là, il fera droit, il va délaisser lui-même après. C'est souvent ce qui arrive. Donc c'est Allah qui sait qui est le mieux guidé. Man ahbabta, et ce que tu aurais aimé. Man ahbabta min al-makhlouqin, min zalika ammuka Abu Talib. C'est-à-dire les gens que tu aimes parmi les créatures, et parmi eux ton oncle, Abu Talib. Hada, kam min al-nas ra'aynahum waqa'u fi al-dhunub al-mukhalafat li-ajli da'wat aqaribihim. Ils disent, oui, mais c'est pour ma mère, ou c'est pour mon père, oui, mais c'est pour mes cousins, ou quoi, ou quoi. Des gens qui étaient dans des akhil azim, talab al-ilm, hijra, et ils disent, oui, il faut que je rentre, en fait, parce que je fais d'avoir ma mère. T'es parti, t'as fait l'hijra, t'as pas le droit de revenir pour ta mère. Quand il rentre, t'as perdu ta hijra, t'as perdu talab al-ilm, et en plus, ta mère n'a même pas été guérie, ça se trouve pas la suite. Et là, c'est arrivé comme ça. Il était parti, il avait fait la hijra et tout. Et après, sa mère lui a dit, reviens, je rentre en islam. Il est rentré. Sa mère n'est pas rentrée en islam. Ou un autre parent m'a raconté, ses beaux-parents lui ont dit, lui c'est pour la dunya, lui c'est même pas pour la darwa, lui. Il était marié avec une femme, et son beau-père, le mari de sa femme, était contre le fait que ce fasse en partie. Il faisait tout pour le faire revenir. Et le frère était en galère dans les gens, c'était dur, il était pauvre ou quoi. Il a dit, écoute, reviens, tu reviens, t'auras, je te trouve un travail, il y en a un appartement disponible et tout, reviens, refais-toi bien et après on verra par la suite. Mais reviens, au moins un temps. Et l'écouter le revenu, ni travail, ni appart, tu n'as rien eu. L'autre, tu lui as menti. Le kafir, il ne veut pas ton bien. Même si ton père ou ta mère, ils t'aiment d'un âme naturel, mais dans ta religion, ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent que tu reviennes avec eux. Si ta mère elle est pas musulmane, alors tu reviens le kafir comme avant. Si ton père il est pas musulman, il va vouloir que tu reviens le kafir comme avant. Ton frère pareil. Il va vouloir que tu reviennes avec eux. Et voir que ton bien, c'est auprès d'eux. Et vivre comme eux ils vivent. Donc ne pas se faire avoir. Pour la guider des gens, soi-disant, désobéir à Allah, son messager, ou lâcher un khayr, azim que tu as. Il n'y a personne qui mérite. Ton dîn, personne ne le vaut. Ni femme, ni enfant, ni père, ni mère. Ta religion, elle est sans valeur. Personne ne la vaut. D'accord? Tu n'as pas le droit de délaisser de ton âge pour les gens. Ma salat et l'ifara. C'est le fait que tu aies une chose, un âge pour toi, tu délaisses pour un autre. On dit là, en ibadah, il n'y a pas ça. Il faut que tu sois avare. Ou alors, tu peux faire en sorte que quelqu'un profite de ce bien avec toi. Mais que toi, tu délaisses ça pour lui, non. Mathalan, un exemple souvent qu'on donne, Safa Awel. Ton Safa Awel. Et derrière toi, il y a un cheikh. Tu arrives avant lui. Tu t'es posé là. Tu vois le cheikh, tu es dans la chaîne. Tu es un cheikh. On dit là, tu n'as pas le droit de faire ça pour le cheikh. Qui qu'il soit. Ce Safa Awel, c'est ton âge à toi. Et Yom Al-Qiyama, tu en auras besoin. Tu ne donnes à personne. Ne crois pas qu'en donnant un cheikh, tu auras fait un acte de djihad. Tu vois. Ce Safa Awel, comme le Kaltara, ou ce Bekul Khayrat. Concurrencez-vous dans le bien. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من اجر طيب ولم يجدوا الا يستهموا لاستهموا عليه si les gens savaient ce qu'il y a comme récompense dans le premier rang ou dans l'avant et que la seule façon de l'obtenir c'est de faire le tirage au sort et tirer au sort et toi tu viens tu l'as eu comme tu as vu un cheikh tu vas prendre le yachir là c'est à toi de prendre le sort awal. Moi, j'ai fait cette bêtise-là une fois, à l'époque, je me rappelle. Ça, c'est le djihad qu'on a dit, bon, on croit que c'est un faute. C'est pas un faute, c'est une erreur. Dans ton din, dans ton ajr, sois avare. Et c'est pas mazmoum. Quand t'es hassanet, tu sais pas si tu vas les garder. Tu peux faire un acte, car là, il te coule le chey. Ou yom al-qiyama, t'as pu faire du zulm, on va te prendre tes hassanet pour donner à quelqu'un. Ou si t'en as pas assez. Comment tu vas faire à ce moment-là? C'est là que t'en auras besoin. Le chien qui te donne ta place ne sera pas là à ce moment-là pour toi. Lui-même, il aura ses comptes à rendre. Tu vois? Donc, dans ce genre de choses, d'accord, c'est toi en premier. Ils ont dit quoi à l'NBA le jour où les gens ont demandé la shafa'a pour eux? Nefsi, nefsi, nefsi. Inna rabbi kod radib al-yom radban lam yardab kobla umislahu wa lam yardab ba'da umislahu. Nefsi, nefsi, nefsi. Quand les gens vont demander la session au NBA de faire shafa'a pour eux, ils ont dit, mon Seigneur, c'est une colère sans précédent. Et sans suite, moi-même d'abord en premier. Ensuite, leur propre péché. Moi, j'ai mes propres péchés. Pour l'instant, voilà. Un bien. Donc, dans cette dunya, normal bien, hada. Ton ajr, il est à toi. Wala tatnazel li shay li nas. Lorsqu'il touche à ta religion. On parle bien de cela, tu vois. On parle pas de ça, d'accord, aujourd'hui. Ta religion, ton ajr à toi, ne délaisse pour personne et ni pour la guider des gens, soi-disant. Fais pas de péché pour les gens. Fais pas de péché pour les gens. Je vais faire dawa, je vais faire ma barbe, je serai mieux accepté. Là, pour faire mieux dawa, je vais mettre en costard cravate, passer à la télévision. Pour mieux... Là, t'as pas à faire ça. Ada khata. Ada khata. Il n'y aura pas de barakala dans ta dawa. Man yasha'im man yuridu hidayata. Que ceux à qui Allah voudra s'aguider. Wa wa a'lamu al-muhtadin. A'lam bi man yastahik al-hidaya. Le plus savant de qui mérite la guider. Non, c'est pas qui mérite la guider. Des fois, tu fais des zouloubes pour des gens, Henri, min akhbaf al-nas. Tu vois, il est gentil avec toi, il fait, ouais, l'islam, ça m'intéresse, j'aime bien et tout. Tu crois qu'il est intéressé, il n'a rien à faire. Juste, il est en train de te blablater, tu vois. Et en fait, il n'a rien à faire ton islam. Toi, tu le parles, tu dis, oh, Mouchallah, Foulain, il accepte le da'wa. Il se moque de toi, il n'a rien à faire. Et là, mon occasion, il va te lâcher. Et toi, tu es là en train de faire des zouloubes pour lui. Là, faut pas. Muslim, yakoun, la yakoun ghafilan. Un autre pareil, qui, comme toi, était toujours en conflit avec ses parents par rapport à ça. On veut des photos, on veut des photos. Il n'y aura pas de photos, désolé. Vous voulez nous voir? Venez. Ah ben, ils sont venus, les parents. T'as eu mieux que des photos. Tu vois? Carrément, ils sont venus et ils t'ont rendu visite. Après des années et des années d'absence. Ils ne sont pas convertis, mais ils sont venus. Et en venant, une photo, c'est quoi? C'est une image 2D qui n'importe rien. Sur la photo, tout le monde peut sourire. Les stars, ils sourient, des grands sourires. Et pourtant, ils sont trop malheureux. Une photo, ça ne prouve rien du tout. Et quelqu'un qui vient, qui te voit, qui est avec toi, c'est là quoi tu es. Il voit que tu es heureux. Ça, c'est une da'wa. Mais une photo, ce n'est pas une da'wa. Je suis da'wa ma mère, j'envoie une photo de mes enfants. Non. Il n'y aura aucune da'wa. Mais si elle vient et qu'elle les voit, qu'ils sont heureux, Alhamdulillah, là, ça va jouer sur eux. D'accord? Et crois pas, le kuffar, Wallah, quand tu vois que t'es fabit, ils te respectent grave après. Ils sont enragés, mais Et le jour où tu flanches une fois, tu plus le genou ne traite pas. Tu fais une concession une fois, il dit, mais regarde la dernière fois. Quoi? T'as toujours dit c'est interdit. Bah, regarde la dernière fois, t'as dit oui. Bon, vas-y, dis oui encore. Tu vois? Mais quand ils voient que tu t'accroches, ils savent, lui, c'est mort. Respect. Ils sont en colère, mais le jour où tu leur diras non, ils vont pas trop te fatiguer. Ils n'oseront même pas te demander par la suite. Ils savent que, avec lui, c'est mort. Ceux qui font une concession, un jour, ils vont demander la main, le lendemain, le bras, après l'épaule, jusqu'au jour, la tête. Ferme la porte directement. Et tu patientes. Mais tu leur dis gentiment. Et tu verras. Hein. Ça va venir dans le hadith de Aïcha, dans le Asar que je t'avais cité. Que Aïcha va dire, dans le Kitab, ça va venir. Et celui qui fait plaisir aux gens en irritant Allah Azzawajal, ben Allah fera que les gens seront en colère contre lui. Et celui qui irrite les gens pour faire plaisir à Allah Azzawajal, Allah fera que les gens seront contents de lui par la suite. Et quand on dit les gens, c'est pas Ijma. De façon générale, tu es avec les gens, au final, ils font ton sana. Ils vont grogner, ils vont dire, en fait, lui, non. Tu seras l'exemple pour eux. Ils vont dire, lui, c'est un vrai musulman. Il m'énerve, mais c'est un vrai musulman. Et ils vont voir les autres faire des trucs bizarres. Ils vont dire, moi, j'en connais, il est pas comme vous. Tu vois. Tu seras un argument, toi, pour le kafir contre un autre musulman qui fera du mal. Moi, je connais des vrais musulmans. J'en ai un ami, il est là-bas, ou mon fils, ou mon frère est là-bas, il est comme ça, comme ça. Ce que tu fais jamais, il le fera. Tu vois. Le kafir fera des rappels à des musulmans, il ne devra pas le nabi, parce qu'il ne connaît pas le prophète. Il dit, sahaba, il va prendre toi. Son missel, son exemple, ça va être toi. Donc, asabat. Allah asabat. Et ça, c'est une darwa. Ça, c'est une darwa. Ah, mais les concessions, les zonobes. Et ah, ça, c'est darfiddin.